Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bonjour. Nous poursuivons notre série spéciale consacrée à l'écrivain Jules Verne. Notre prochain invité... Et recouvert de bandelettes de la tête aux pieds? Bon sang, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis tout brûlé. Là-dessous, je ressemble à une vieille chipolette à griller. Bref, mon nom est Axel. Autrefois, j'habitais avec mon oncle une jolie maison en Allemagne. Et j'étais si heureux. Jusqu'à ce que Jules Verne décide de me faire faire un grand voyage. Au centre de la Terre! Le 24 mai 1863, dans la ville de Hambourg, le célèbre professeur Otto Lidenbrock court à toute allure dans la Königstrasse, une rue encombrée de monde. Pardon. On se pousse. Excusez-moi, pardon. Parvenu devant le numéro 19, il entre et monte les escaliers 4 à 4 en criant en plein poumon. Axel, vite, rejoins-moi. Là-haut, dans sa petite chambre, son neveu Axel, qui vient tout juste de se réveiller, saute dans un pantalon. Oh, salut Laure! Mon oncle est un grand scientifique, ultra passionné, alors bon, faut suivre son rythme, quoi. Allez, je file! Et hop, il glisse sur la rampe jusqu'au bureau du professeur, 2 étages plus bas. Ah, enfin, te voilà! Otto Lidenbrock trépigne en tenant un épée livre entre les mains. Oh purée, encore une vieillerie. Axel, enfin... C'est votre oncle. Oh mais non Laure, je ne parle pas de lui mais du livre. Recouvert de poussière, le bouquin, il est vrai, ne date pas d'hier. Axel, c'est Heimskringla, le fameux ouvrage qui raconte l'histoire des princes d'Islande. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Un vieux parchemin de cuir vient de tomber du manuscrit. Otto se penche. Sous ses yeux s'étalent des signes très étrange. C'est un message codé. Et qui dit message codé dit grande découverte. Youpi! Les jours suivants, le professeur examine le parchemin sous toutes ses coutures. K T K T K T Sam Advar Saordran Ça n'a aucun sens. Axel, tu notes ou... Tu notes ou tu dors? Enfin, un matin, le professeur parvient à déchiffrer un nom. Arne Saknussem. Pardi, mais c'est un célèbre savant islandais. S'il est l'auteur de ce message, il l'a peut-être écrit en latin. Mais bon sang, ça change tout. Axel, vite, fais-moi voir tes notes. Je t'aime bien, ma petite Grauben. Non mais, tu te fiches de moi? Otto, le visage rouge comme un piment, sort en claquant la porte. Oups. Tout penaud, Axel ramasse machinalement ses notes en les tenant à l'envers. Et ses yeux, sans vraiment faire attention, déchiffrent un mot. Craterem. Puis, un autre. Terrenum. Craterem, terrenum. Cratère terrestre. Son cœur bondit. Mon oncle avait raison. Le message est écrit en latin. Il fallait tout simplement le lire à l'envers. Alors, le souffle court. Il continue. Mais il s'arrête, horrifié. Non, non, non, non et non. Mon oncle ne doit pas découvrir le contenu de ce message. S'il se lance dans ce voyage fou, il ne reviendra jamais. Soudain, la porte s'ouvre. Le professeur est de retour. Et dans les yeux terrifiés de son neveu, il comprend tout. Tu as trouvé la clé? Puis, lisant à son tour le parchemin à l'envers, Otto découvre le message suivant. descend dans le cratère du Sneffels que l'ombre du Scartaris vient caresser avant les calendes de juillet. Et tu parviendras au centre de la Terre. Ce que j'ai fait. Signé Arne Saknussemm. Le Sneffels, c'est un célèbre volcan islandais. Et le Skartaris, un grand pic qui pointe à son sommet. Ainsi donc, en suivant son ombre avant la fin du mois de juin, on arriverait à trouver la porte secrète qui mène au centre de la Terre. Il n'en faut pas plus pour décider notre professeur. Trois semaines plus tard, après un long voyage en train, en bateau, à cheval, l'oncle et le neveu arrivent à l'ouest de l'Islande, au pied du volcan Sneffels, immense montagne de granit, chatouillant les nuages. Vous êtes prêts ? Demande Hans, leur nouveau guide. Eh bien, c'est parti ! Attendez deux secondes. Vous ne voyez pas les fumées qui s'échappent du sommet ? D'accord, le Sneffels n'a pas grondé depuis 600 ans, mais il peut se réveiller n'importe quand. Et si on se trouve dans le cratère à ce moment-là, on est cuit. Qu'importe le danger, Otto a déjà commencé à grimper. Le temps est compté. Plus qu'une petite semaine. Après deux jours de marche, franchement éprouvante... Ils atteignent le sommet. Vite, au fond du cratère. Et ainsi, ils s'engouffrent dans l'œil du volcan. Peu à peu, la lumière faiblit. C'est moi ou on dirait qu'on ne va jamais revenir? Axel a l'impression de marcher dans un entonnoir géant d'où pourrait jaillir le tonnerre. Et les flammes ! Quelques heures plus tard, ils sont arrivés tout au fond. Le ciel, au-dessus de leur tête, n'est plus qu'un tout petit cercle bleu. À droite, à gauche, le cratère est troué de trois grosses cheminées. Dans laquelle faut-il s'engouffrer ? C'est l'ombre du Scartaris qui nous l'indiquera. Mais, catastrophe ! Le ciel, tout à coup, se couvre. Allez, oh, petit soleil, rayonne et fais-nous une belle ombre. 25, 26, 27 juin, aucune amélioration. Si ça continue comme ça, ils devront attendre un an. Enfin, le 28 juin, le soleil réapparaît et... Oh, miracle ! Dessine sur le sol l'ombre du Scartaris qui pointe jusqu'à la cheminée centrale. Voilà le chemin. Soutenu par un système de cordes, les trois hommes se laissent couler dans le vide. Axel frissonne. Oh purée, on ne voit même pas le fond. Après 10 heures de cette étrange descente, Hans, leur guide, crie... Halte ! Enfin... Leurs pieds touchent le sol. Le lendemain, en suivant la direction du sud-est, ils pénètrent dans une galerie de lave, très obscure. Qui dit qu'on va pas manquer d'oxygène ? Ses deux compagnons, en guise de réponse, allument leur lampe. Oh là là là là ! Oh purée ! Oh ce que c'est beau ! Oh ! Les parois, recouvertes de cristaux translucides, brillent de mille feux. Oh, on se croirait dans un palais tout illuminé. La pente est raide. L'expédition s'enfonce dans les entrailles de la Terre. À 8 heures ce soir-là, épuisés, ils tombent comme des mouches. Oh, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bip, bip, bip. Oh, ça va, là. Le lendemain, ils reprennent la marche. Cela fait 3 semaines qu'ils n'ont pas vu la lumière du jour. Est-ce lundi, mardi ou bien jeudi ? Axel ne sait plus trop bien. Épuisé, sa vue se trouble. Alors, il s'arrête. Puis il repart. Hans et son oncle sont déjà loin devant. Hé ! Hé ! Attendez-moi ! Oh ! Hé ! Hé ! Attendez-moi ! Mais personne ne répond. Oh oh. Le jeune homme accélère le pas. Aucune trace de ses deux compagnons. Au secours ! À l'aide ! Oh, je suis condamné ! Prisonnier d'une nuit souterraine ! Au secours ! À l'aide ! Terrassé par la peur, Axel se laisse glisser par terre. Maudit Arne Saknussem ! Jamais nous ne parviendrons jusqu'au centre de la Terre ! Puis, il perd connaissance. Lorsqu'il rouvre les yeux, le jeune homme est emmitouflé dans d'épaisses couvertures. Sapristi ! Je suis mort ! Mon neveu adoré, tu es sauvé ! Nous t'avons veillé pendant 4 jours en espérant que tu te réveilles. Maintenant, prépare-toi. J'ai une sacrée nouvelle. Écoute. Tu entends ce petit murmure ? C'est le bruit de l'eau. Sans attendre, Hans et Otto conduisent Axel jusqu'à une caverne géante où ils découvrent... Ouah ! Wow ! Ouais ! La mer ! La mer ! Wouhou ! Ouais ! Eh oui ! Une véritable mer souterraine. Avec Hans, nous avons fabriqué un radeau et nous embarquons dès demain. Le 13 août, les 3 hommes prennent le large. C'est parti ! La lumière est intense. Bleue, verte, rose et parfois jaune. On dirait une magnifique aurore boréale, électrique et puissante. Oh, c'est incroyable ! C'est époustouflant ! Et dire que nous sommes 3000 mètres sous la croûte terrestre ! Soudain, des bouillonnements agitent la surface de l'eau. Mais qu'est-ce que c'est ? Pas le temps de réfléchir. Le radeau est soulevé dans les airs avant d'être jeté 20 mètres plus loin. Axel, blanc comme un slip, tend le doigt. Voilà ! Un marsouin géant ! Un crocodile ! Un lézard de mer ! Oh, une tortue là-bas ! Une baleine ! Oh, mais c'est pas vrai ! Combien sont-ils ? Les monstres se livrent une bataille sans merci. Ça, par exemple. S'écrie tout à coup le professeur. En fait, il n'y a que 2 bêtes. Regardez. La première a la tête d'un lézard, le museau d'un marsouin, les dents d'un crocodile. C'est un ichthyosaure, un reptile disparu il y a 100 millions d'années. Quant au second, oh. C'est pas vrai ! C'est un plésiosaure ! Axel frémit de peur. Leurs 4 yeux sanglants sont aussi gros que la tête d'un homme. Après 2 heures de lutte acharnée, les 2 bêtes, enfin, disparaissent sous les eaux. Oh, mais alors là, franchement, j'ai vraiment cru qu'on allait y passer, hein. Ouh ! Le temps de boire un petit coup d'eau, de lourds nuages apparaissent à l'horizon. Oh non ! Pas le coup de la tempête, maintenant ! Et pourtant, si ! Les vagues gonflent, la mer est déchirée dans tous les sens, les éclairs, le tonnerre, la foudre ! La tempête se transforme en ouragan ! Le radeau valdingue à droite, à gauche, et finit par s'échouer sur un bout de rivage. Oh, ça va ? Tout le monde va bien ? Oui, Laure, ça va. Reste juste à savoir où nous avons atterri. Axel et son oncle partent en exploration. Ils marchent depuis quelques minutes lorsque le jeune homme aperçoit un objet briller entre 2 rochers. C'est un vieux poignard sur lequel sont gravées 2 initiales. A.S. A.S. Arne, Saknussem. Axel, nous sommes sur la bonne route. Regarde, là, une grotte. Mais la grotte, hélas, est bouchée. Mais pas de problème. Nous allons faire péter tout ça avec un bon paquet d'explosifs. 2 heures plus tard, l'oncle et le neveu sont de retour, accompagnés par Hans, qui tire le radeau derrière lui. Ça peut toujours servir. D'ailleurs, Axel, professeur, montez vite. Bien vu, Hans. Les explosifs sont prêts. Eh bien, maintenant, croulez, montagne de lave. 3, 2, 1... L'explosion a provoqué un énorme raz-de-marée. La mer, pourtant à des centaines de mètres plus loin, s'engouffre tout à coup dans la grotte en entraînant le radeau avec elle. L'eau monte et devient bouillante. Ah, oh, Axel, c'est merveilleux. Nous sommes à l'intérieur d'un volcan et il est sur le point d'entrer en éruption. Une brise légère souffle sur une plage de sable blanc. Nos 3 aventuriers, complètement sonnés, ouvrent les yeux. Une ombre s'approche. Mamma mia! C'est un vendeur de pizza ambulant! Quattro formaggi, pepperoni, mozzarella! Bienvenue en Italie, sur l'île Stromboli. Alors, il est pas beau notre volcan? Quelle aventure! Entrés par un volcan, sortis par un autre, Axel, Otto et Hans ont traversé l'Europe du nord au sud en cheminant 3000 mètres sous la croûte terrestre. Hé, hey, je veux bien une petite part de pizza, moi! Derrière cet épisode, il y a... Juliette Proutot, Marion Lelay, Jean Lebrun, Raphaël Rousseau, François Audouin, Benjamin Orgeret, Jules Verne et moi, Laure Grand-Besançon. Les Odyssées est un podcast original de France Inter.